Le dirigeant suprême Kim Jong-un a reçu un présent de la part de Goodwill Nunazi, président national du Parti pour la prospérité et le progrès du Nigeria. Le président national l'a transmis le 7 courant à Chung Yong-chol, ambassadeur coréen dans son pays.